Bonjour, je m'appelle Hugo Aguilanu, je travaille à l'École Normale Supérieure de Lyon, où je dirige un groupe qui travaille sur la génétique du vieillissement. On utilise Si Élégance, et donc je vais vous parler un peu plus de Si Élégance et de son vieillissement. Donc en fait, si tu veux, quand Si Élégance a été caractérisé ou enfin en tout cas mis à jour par Sydney Brenner en 74, il a fait un travail surprenant où il a vraiment caractérisé complètement le cycle de vie, tout de Si Élégance, comment le cultiver, enfin vraiment des choses qui jusqu'à aujourd'hui tout le monde utilise. Et donc il s'est rendu compte assez vite, tout de suite d'ailleurs dans le premier papier, que dans le développement de Si Élégance, c'est un développement classique qui passe par quatre stades larvaires, mais il existe un développement alternatif, un voie de développement alternatif où le ver rentre dans un autre stade de développement qui s'appelle le stade Dauer. Et Dauer en allemand, ça veut dire endurant. Et donc les vers qui rentrent en stade Dauer peuvent rester dans ce stade-là pendant beaucoup de temps. Donc c'est étonnant parce que le ver adulte, il vit 3 semaines, et le ver qui rentre dans ce stade Dauer, là, il peut vivre presque, enfin plusieurs mois, jusqu'à 4 mois, je crois. Et donc, c'est étonnant parce qu'ils sont génétiquement identiques, et pourtant leur longévité est très très différente. Et donc, de fait, les gens se sont assez rapidement intéressés au stade Dauer, et ont essayé de chercher des gènes, en faisant des cribles à l'époque avec des mutagènes, trouver des gènes qui sont impliqués dans le stade Dauer, qu'on appelle les gènes DAF, pour Dauer Formation. Et donc, il y a plein de voies qui ont été caractérisées, la voie TGF-bêta, la voie de l'insuline notamment, qui a été trouvée. Et en fin des années 80, début des années 90, donc le premier papier c'était en 88, il y a une mutation, première mutation qui a été trouvée comme étant impliquée, comme ayant la capacité d'augmenter la longévité du ver adulte. Et en 93, le travail de Cynthia Kenyon, elle trouve et elle identifie un autre gène qui est un gène Dauer. En fait, elle fait un ver adulte qui est un peu Dauer. Et du coup, il est adulte, donc il est reproductif, il se reproduit, mais il a certaines caractéristiques Dauer. Et en fait, c'est les mutants DAF2. C'est la première vraiment mutation identifiée. Donc c'est une sorte de mutation qu'on appelle hypomorphique, c'est-à-dire c'est pas une mutation forte, c'est une mutation qui baisse l'activité du gène simplement. Et ça entraîne, ça double la durée de vie du ver. Donc, en trouvant des gènes qui sont impliqués dans la formation du stade Dauer, on arrive, en les désactivant au stade adulte, à récapituler un petit peu du stade Dauer, mais au stade adulte. Donc, on a un ver qui anatomiquement est Dauer, et adulte, je veux dire, mais qui a cette caractéristique intéressante qui vit plus longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'identification de gènes qui était important pour la longévité. Et donc, après, de là, bah, comme j'ai dit, quand on a trouvé la première ficelle, après, on a trouvé toute la voie de l'insuline. Donc, c'était un gros truc. Mais ça, c'était des travaux de 93, le Nature de Kenyon. Tous les gènes plus ou moins impliqués dans cette voie de l'insuline étaient également importants pour la longévité. Donc, au départ, c'est intéressant. Alors, après, ce qui est... Pendant longtemps, il y a eu un scepticisme très fort en pensant que c'était un truc très spécifique au ver, parce que le stade Dauer, c'est un truc qu'on ne trouve pas chez les autres organismes, en tout cas chez les mammifères. Et puis, mais enfin, c'était quand même la voie de l'insuline. Donc la voie de l'insuline, c'est quand même relativement conservé. Mais ça a pris à peu près 10 ans pour ensuite produire des souris qui avaient la même mutation, enfin en tout cas une mutation similaire, et qui aussi avaient une longévité plus importante. Donc c'est intéressant de voir comme on est parti d'un phénotype très fondamental, d'un stade de développement particulier chez une bête très primitive, et que finalement on a trouvé à la fin des gènes qui étaient capables d'augmenter la longévité de mammifères. Et maintenant, on se rend compte, quand on prend des cohortes de centenaires, que certaines gènes de la voie de l'insuline sont régulés de manière différentielle chez ces gens-là. Donc, ce n'est pas la preuve absolue que ça marche aussi chez l'homme, mais ça suggère fortement que probablement chez l'homme, ça marche de la même manière. Donc, ça, c'est aussi une belle histoire qui montre qu'en partant d'observations très fondamentales de base, on arrive à trouver des gènes qui peuvent après avoir des implications biomédicales importantes, hein, parce que ça a un impact sur toutes les maladies du vieillissement, ces trucs-là. Donc, c'est pas n'importe quoi, quoi. L'expérience de longévité chez C. elegans, elle est très simple. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que C. elegans est devenu l'organisme de base pour faire de la longévité et de la génétique, surtout de la longévité. Parce que ça consiste simplement à avoir une dizaine ou une vingtaine de boîtes de pétri, toutes bêtes, sur lesquelles on met du milieu classique. On dispose à peu près une dizaine d'animaux par boîte. Et ensuite, on les compte simplement, donc on s'assure de les mettre tous au même stade, au début de leur vie, au premier jour de la vie adulte, et ensuite on les regarde tous les jours ou tous les 2 jours, et on compte le nombre d'animaux qui meurent. Donc ensuite, on obtient ces courbes de longévité. Donc ça, évidemment, on peut faire ça sur n'importe quel organisme. L'avantage de C. elegans, c'est d'abord qu'il y a un côté très visuel, moi qui venais de la levure, qui est très intéressant, c'est que on voit pas simplement, c'est pas simplement mort ou pas mort, c'est qu'on a vraiment accès à la santé de l'animal, puisqu'on voit en regardant le ver avec un petit peu d'habitude s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Donc on voit un petit peu comment la population se dégrade, ce qui nous donne des indications sur la façon dont il vieillit, et c'est pas simplement sur le chiffre. Et puis surtout, on a le moyen de faire de la génétique, de faire des cribles très très rapidement, parce que on peut utiliser l'ARN interférent. Donc, on leur donne des bactéries qui expriment un bout d'ARN double brin qui permet de modifier l'expression d'un gène à la fois. Et donc, on a aujourd'hui des banques de bactéries où on peut désactiver tous les gènes un par un. Et donc, si on a une question, donc si on veut savoir, par exemple, pourquoi telle manipulation ou telle modification ou tel mutant a une longévité différente, on peut dire, bah, on peut poser la question très facilement, bah, ça passe par quel gène? Donc, on désactive tous les gènes ou une famille de gènes dont on suspecte que le candidat se trouve dedans, et on regarde si l'effet est toujours observé ou pas. Donc ça nous permet d'avoir une puissance expérimentale qui est très forte, et puis ça nous permet surtout de travailler très rapidement, parce qu'en 3 semaines, le ver sauvage est mort. Donc on a des réponses. En 15 jours, 3 semaines, on sait déjà la réponse, si c'est oui ou non. Alors que si on travaille déjà sur la drosophile, c'est déjà un petit peu plus long, ça prend 2 mois, et sur la souris, encore plus, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est incompatible, c'est simplement que C. elegans est sorti, est devenu le modèle de référence parce qu'il permet une étude très très rapide de ces phénomènes-là. Après, évidemment, il y a plein d'autres questions qu'on ne peut pas adresser avec C. elegans. Donc chaque modèle a sa puissance et ses limites. En fait, notre laboratoire s'intéresse au lien qu'il existe entre le métabolisme, la longévité et la reproduction. Parce qu'on est intimement convaincu que ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Il y a plusieurs questions, par exemple. Nous, on est très intéressés sur les interventions qui, au départ, ne sont pas génétiques, comme par exemple la restriction calorique. Donc, tu manges moins, tu vis plus longtemps. Et ça a l'air d'être vrai chez beaucoup d'organismes testés jusqu'à présent. Donc ça, c'est intriguant parce que ça veut dire que la quantité de nourriture qu'on ingère normalement n'est pas réglée pour nous faire vivre le plus longtemps possible, puisque si on mange moins, on vit plus longtemps. Et ça a l'air d'être quelque chose de conservé. Donc ça veut dire que ce soit chez un ver, chez une souris, chez un singe, la quantité de nourriture que les animaux mangent n'est pas la quantité qui les fait vivre le plus longtemps. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que Là, évidemment, c'est des trucs qui ont évolué pendant des millions d'années, et donc la quantité de nourriture qu'on mange, elle a pas pour but de nous te faire tenir longtemps, mais elle a d'autres buts qui sont des buts souvent de fitness, c'est-à-dire de nous reproduire mieux, de croître plus vite, voilà. Donc nous, on est particulièrement intéressés là-dessus, mais on peut éventuellement tomber. Il y a maintenant, on connaît pas mal de manipulations génétiques qui sont capables d'augmenter la longévité. Donc il y a des manipulations qui sont de l'ordre de la signalisation. On envoie un message au ver en lui disant, ou à l'animal en lui disant, tu es dans des conditions où ça peut valoir la peine de te faire durer un peu plus longtemps. Donc il y a beaucoup, par exemple, les mutations dans la voie de l'insuline sont des mutations de ce genre-là. Et puis il y a des mutations qui sont plus proximales, c'est-à-dire où on agit plus spécifiquement sur un processus dont on sait qu'il est limitant pour la longévité chez l'animal sauvage. Par exemple, ce que Andrew Dedin fait sur la protéostase. Donc, la qualité, la façon dont on maintient nos protéines en bonne qualité, on sait que ça, c'est un facteur très important. Si on arrive à maintenir nos protéines dans de bonnes conditions pendant longtemps, on a de bonnes chances de vivre plus longtemps. Parce que c'est souvent un des trucs qui commence, qui va pas bien avec le temps, et un des premiers signes du vieillissement. Donc, ce sont des processus qui sont plus proximaux. Donc, on agit sur le processus en fin de chaîne, mais de fait, on a des effets sur la longévité. Donc, il y a plusieurs de ces mutations-là. Et après, une fois qu'on a une mutation, ça ouvre la porte. La restriction calorique est un bel exemple de ça. On s'est rendu compte de l'effet de la restriction calorique en 1935, donc ça fait déjà très longtemps. Et on ne trouvait pas de gène impliqué là-dedans. Il a fallu attendre jusqu'à 2007. À partir du moment où on a trouvé le premier gène qui était requis pour l'augmentation de la vie en restriction calorique, toute une ribambelle de gènes a été trouvée ensuite. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a eu un point d'entrée, après, génétiquement, c'est beaucoup plus facile de trouver les autres. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on tire une corde et boum, il y a tout qui tombe. Mais il faut avoir la corde de base, quoi. Donc la grosse trouvaille, c'est souvent de trouver la première corde. Une fois qu'on a trouvé la première corde, après, on arrive toujours à trouver d'autres choses. Alors, la restriction calorique, en fait, ça a été un peu par hasard. Là, moi, je travaillais dans le groupe de, comme postdoc dans le groupe d'Andrew Dedin. Et à l'époque, on avait trouvé un gène qui semblait fonctionner dans une autre voie, qui est la voie de l'insuline. Bon, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le gène qu'on avait trouvé semblait avoir un rôle très, très similaire un facteur de transcription très important dans la voie de l'insuline qui s'appelle FOXO3A. Et ce gène s'appelait SMEC1. Et pour s'assurer que ce gène était vraiment spécifique à la voie de l'insuline, à l'époque, on avait testé ce gène dans d'autres voies dont on savait qu'elles pouvaient avoir un impact sur la longévité. Donc il y en a pas 26, hein. Il y a la voie de l'insuline, il y a la restriction calorique, comme ce dont j'ai parlé, il y a la voie de la lignée germinale. Donc, quand on enlève la lignée germinale, les animaux vivent plus longtemps. Et puis, il y a une autre voie qui est la voie de la mitochondrie, où on altère le métabolisme mitochondrial, et justement, ça a un impact, ça peut avoir un impact positif sur la longévité. Donc, on a testé tous ces trucs-là, et surprise, on a trouvé que ce gène-là avait également un rôle, était également requis pour la restriction calorique. Donc, il n'était pas spécifique à la restriction calorique, mais il était important pour ce processus-là. Et donc ensuite, par déduction, comme on savait que ce gène interagissait avec un facteur de transcription qui était important dans la voie de l'insuline, on a regardé tous les autres facteurs de transcription qui lui ressemblaient dans le génome, parce qu'on connaît tout le génome. On a trouvé un autre qui s'appelle pas FOXO3A, mais qui s'appelle FOXA, et qui se trouve être le premier gène montré comme étant requis pour la restriction calorique, qui s'appelle FA4, FOXA chez le mammifère. Donc ça s'est fait comme ça, en fait. Et à partir de là, après, on en a trouvé beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est souvent comme ça, c'est souvent un petit peu par hasard. Mais je me souviens bien de cette première trouvaille où on s'est dit, tiens, c'est marrant, il a un rôle dans la restriction alimentaire. Et donc, on a un peu réfléchi et rapidement, on s'est engagé sur les facteurs de transcription et on a trouvé FOXA qui, lui, a un rôle spécifique. C'est-à-dire vraiment, lui, il avait un rôle dans la restriction calorique. Et à partir de là, après, il y a eu beaucoup d'études qui ont trouvé d'autres gènes qui interagissent avec FA4. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un gène, on le désactive et on demande quels sont les autres gènes nécessaires pour que ce gène fonctionne. Donc après, la question est plus simple. Et comme on a accès à tout le génome, assez simplement, c'est assez facile. On a publié un papier sur NHR80. Il y a un papier qui va sortir là demain ou après-demain, je ne sais plus, sur un autre NHR qui s'appelle NHR8. Ça va prêter à confusion, évidemment, parce que les gens vont oublier le zéro, vont penser que c'est le même, mais enfin, bah, c'est pas le même. Donc, NHR8, c'est un autre facteur de transcription, qui est en fait un récepteur hormonal nucléaire. Donc, c'est un facteur de transcription qui est un peu particulier parce qu'il est capable de répondre à une hormone. Et ce facteur-là est également requis pour la restriction calorique. Et ce qui est intéressant, c'est que les hormones auxquelles ils répondent sont des hormones stéroïdes qui également contrôlent la reproduction. Et ça, c'est très intéressant parce que ce papier montre que la restriction calorique, justement, mais non seulement ça montre ça, mais ça donne une vision moléculaire de ça, que l'augmentation de la durée de vie par la restriction calorique, elle a en fait, c'est en fait un effet secondaire d'un phénotype de reproduction. C'est-à-dire que l'animal vit plus longtemps, mais pas juste pour vivre plus longtemps. Il vit plus longtemps simplement parce qu'il est dans des conditions un petit peu difficiles, qui fait que sa reproduction est moins bonne, et donc il se met en pause, entre guillemets, pour essayer d'augmenter le plus possible la période pendant laquelle il peut se reproduire. Et la conséquence de ce phénomène-là, c'est que sa longévité va être accrue. Mais c'est pas pour vivre longtemps, c'est pour vraiment maximiser le plus possible les chances de se reproduire. Et donc, ça passe par ce gène et ce gène NHR8 et la voie de signalisation des hormones stéroïdes. Donc, c'est le papier qu'on est en train de publier. NHR80, lui, c'est un autre gène qui est impliqué dans l'augmentation de la durée de vie par ablation de la lignée germinale. Donc voilà. Donc encore une fois, pour revenir sur la restriction calorique, comme je dis, la restriction calorique, on est convaincu que ce qui compte, c'est pas de faire vivre l'individu plus longtemps, mais c'est de maximiser le succès de l'espèce. Et pour maximiser le succès de l'espèce, il faut qu'elle se reproduise le mieux possible. Et surtout, en prenant compte des conditions dans lesquelles elle se trouve. C'est-à-dire, ça sert à rien de se reproduire si les conditions sont pas favorables. Il faut qu'elle se reproduise dans des conditions qui lui donnent la possibilité que ça marche, quoi. Et donc, il y a des gènes qui sont responsables pour sentir les conditions dans lesquelles le ver se trouve et pour répercuter ça sur le métabolisme entier du ver de manière à ce qu'il vive plus ou moins longtemps, qu'il se reproduise plus ou moins vite. Et généralement, ces choses-là vont de concert. Ça, ce sont des vieilles idées dans le domaine du vieillissement. C'est juste que jusqu'à présent, ça restait des idées théoriques. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est des preuves moléculaires. Et c'est ce que Cielégance permet de faire. Le niveau de détail moléculaire auquel on parvient, il est toujours un peu dissuasif pour quelqu'un qui travaille sur le mammifère. Parce qu'on dit, oulala, déjà, faut trouver les homologues. En plus, ensuite, il y a tout un mécanisme moléculaire un peu complexe. Donc, quand tu présentes ton travail dans le détail de moléculaire, généralement, c'est assez décourageant pour les gens qui travaillent chez le mammifère parce qu'ils disent, oulala, laisse tomber, ça va être trop compliqué. Donc, ce que moi, j'essaye de toujours faire, c'est de trouver des phénotypes simples. Par exemple, si je dis, bah, si tu as un animal stérile et que tu le mets en restriction calorique, il vivra plus longtemps qu'un animal fertile en restriction calorique. Ça, c'est facile à faire chez la souris. Donc, on peut déjà vérifier si ça, c'est vrai chez la souris. Et si c'est vrai, après, on peut creuser plus. C'est généralement un peu plus fructueux que de dire, tiens, j'ai trouvé tel récepteur hormonal nucléaire dont je suis pas complètement sûr de quel est l'homologue chez la souris. Parce que là, ça devient très hypothétique. Donc, il faut généralement amadouer les gens avec qui on peut travailler sur le mammifère en trouvant des phénotypes simples qui peuvent tester facilement et qui peuvent nous donner un go no go, tu vois. On y va, ça se passe de la même manière, donc certainement il doit y avoir des trucs à creuser là-dedans, ou alors c'est un phénotype qui... Mais on est convaincu, si tu veux, comme c'est des, sont des questions, sont des stratégies évolutives hyper conservées, genre restriction calorique, comme je te dis, tout, il y a beaucoup d'organismes qui vivent plus longtemps en restriction calorique, on est persuadé que la façon dont tu fais ces choix-là sont des façons qui sont conservées un petit peu, quoi. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus, parce que j'adore Si Élégance et je laisserai Si Élégance pour rien au monde, mais c'est vrai que c'est pas la biologie de Si Élégance en tant que telle qui m'intéresse. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de chercheurs sur Si Élégance. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les mécanismes biologiques fondamentaux qui sont conservés chez d'autres organismes. Pour le vieillissement, c'est pareil. Le vieillissement du ver en tant que tel, ça a un intérêt limité. Si on peut trouver des choses qui peuvent être applicables aux mammifères, évidemment, c'est mieux. Moi, j'aimerais beaucoup que des structures collaboratives existent, plus systématiques, entre les organismes modèles, que ce soit Si Élégance, Droso ou autres, et les souris, et puis les primates, des trucs comme ça. Parce que je pense que vraiment, il y a peu de labos ou d'institutions au monde qui permettent de faire facilement du translationnel jusqu'à l'homme, quoi. Et c'est dommage parce que c'est quand même ça l'idée, quoi. Et en fait, c'est ça l'idée partout dans le monde, sauf que de fait, ça se passe pas bien toujours comme ça. Alors évidemment, ça se passe comme ça, mais je pense qu'il y a moyen d'optimiser beaucoup ça. Dans la communauté Silence, tu fonctionnes beaucoup chez qui tu as été formé, donc tu viens d'une sorte de lignée, tu vois. Donc moi, j'ai été formé chez Andrew Dillon, qui lui a été formé chez Silence. Donc si tu veux, je fais un peu partie de la lignée Cynthia Kenyon, un petit peu. Parce que je suis son petit-fils de formation, d'une certaine manière. Mais après, je pense qu'on raisonne. Donc ça nous rapproche un petit peu dans la façon de réfléchir, j'imagine. Après, moi, je me suis un petit peu... ma spécificité, c'est que j'ai un raisonnement peut-être plus évolutif que Cynthia Kenyon, qui, malgré ce qu'on pourrait penser quand on regarde ses travaux, parce que ses travaux laissent à penser qu'elle a dû réfléchir beaucoup à la question évolutive. Et puis, quand on discute avec elle, on se rend compte qu'en fait, non, elle... je crois qu'elle pense qu'il y a vraiment des programmes génétiques qui sont là pour nous faire vivre un certain temps... voilà. Moi, non. Moi, comme j'ai dit, je pense que les programmes génétiques sont là pour assurer le succès de l'espèce. Et ils peuvent avoir un impact sur le vieillissement. Donc, c'est une petite nuance, mais je pense que ça a son importance. Et voilà. Donc, en fait, concrètement, le genre de travail, les manips qu'on fait, si tu veux, elles sont pas très différentes, hein. Mais les thèmes qu'on aborde sont un tout petit peu, sont pas pareils. Bien qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à la signalisation, elle a beaucoup travaillé sur la voie de l'insuline, sur la lignée germinale, mais avec un gros accent voie de l'insuline, parce que c'est elle qui l'a découvert. Nous, on travaille très peu sur la voie de l'insuline, on travaille beaucoup plus sur restriction calorique, un petit peu la lignée germinale, parce que ça m'intéressait pour d'autres raisons. Donc on a des trucs qui se recoupent, mais vraiment plus avec un twist évolution, quoi. Elle est moins là-dedans. Et puis, de fait, elle est peut-être un petit peu moins productive maintenant. Elle a un petit peu changé son rythme de production là depuis quelques temps.